France Musique. All That Jazz. Aujourd'hui, Django Reinhardt, l'âge d'or du quintet. Sans peanuts, sans peanuts. And all that jazz. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 19e épisode de cette émission, le deuxième de notre série consacrée à Django Reinhardt. La semaine dernière, nous avons laissé le guitariste en septembre 1937 face à un impressionnant pupitre de violoniste avec Michel Varlop, Stéphane Grappelli et Eddie South. Aujourd'hui, nous allons essentiellement explorer les trésors gravés sous le nom du quintet du Hot Club de France, première formule, sans tambour ni trompette, et puis aborder la période suivante avec clarinette et batterie à partir de l'année 1940, mais je m'en voudrais de passer sous silence un petit morceau de bravoure enregistré en novembre 1937 par Django Reinhardt en compagnie de deux violonistes cette fois-ci. Il y a l'américain Eddie South et le français Stéphane Grappelli. Ils partagent avec le guitariste une admiration sans borne pour la musique de Jean-Sébastien Bach. Voici leur improvisation sur le premier mouvement du célèbre concerto pour deux violons en ré mineur de Bach, bien sûr. Thank you. Improvisation sur le premier mouvement du concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Les deux violonistes étaient Eddie South et Stéphane Grappelli et ils étaient soutenus par la guitare de Django Reinhardt. C'était le 25 novembre 1937 à Paris. C'est au cours de la même séance d'enregistrement que le quintet du Club de France grave ce qui reste encore aujourd'hui comme une sorte de maître étalon du style de Django et comme un étendard du jazz à la française avec cette introduction interrogative, cette descente de contrebasse énergique et surtout ce solo de Django qui affirme son génie mélodique et rythmique à la face du monde. Cela s'appelle Minor Swing. Minor Swing, le célèbre solo de Django qu'apprennent les apprentis guitaristes dans ce style. La composition est co-signée Stéphane Grappelli qui n'est pas en reste. Les guitares rythmiques étaient tenues par Joseph Reinhardt et Eugène Weiss et Louis Vola était à la contrebasse. C'était le 25 novembre 1937. Quelques jours plus tard, le 14 décembre, Django Reinhardt enregistre l'une de ses compositions avec la participation de musiciens de l'orchestre de Ray Ventura sous le titre explicite de Boléro, ce qui renvoie bien sûr à celui de Maurice Ravel qui date de 1928. En ce 14 décembre 1937, Maurice Ravel n'a plus que quelques jours à vivre. Il sera opéré le 17 décembre et il mourra le 28 décembre. Thank you. Le boléro de Django Reinhardt, gravé le 14 décembre 1937 à Paris par un orchestre enrichi des cuivres de Reventura, notamment le trompettiste Philippe Brun et le tromboniste Guy Paquinet. Cela fait partie des quelques tentatives que mena Django pour élargir ses idées d'écriture au format orchestral. Le même jour, le quintet se retrouve en formation normale pour enregistrer cette très jolie ballade « My Serenade ». My Serenade, le quintet du Club de France avec en soliste Django Reinhardt et Stéphane Grappelli le 14 décembre 1937. C'est l'âge d'or du quintet, on l'entend bien avec cette série de chefs-d'œuvre enregistrés à l'époque à Paris, mais c'est aussi une période triomphale pour leur tournée outre-Manche. De passage à Londres à la fin janvier de l'année suivante, le quintet y grave pour la marque Decca un splendide bouquet de standards du jazz. Dans une atmosphère particulièrement décontractée, les musiciens n'éprouvent guère le besoin d'exposer le thème de la chanson de manière trop littérale. Ici, c'est Stéphane Grappelli qui prend ses aises sur Night and Day, une chanson de Cole Porter que Django transcende avec un solo totalement inspiré. Thank you. Night and Day, la chanson de Cole Porter, popularisée en 1932 par Fred Astaire, reprise ici en janvier 1938 à Londres par le quintet du Club de France avec en soliste le violoniste Stéphane Grappelli et le guitariste Django Reinhardt. Le même jour, le quintet enregistre une version tout aussi inspirée de Sweet Georgia Brown, un thème des années 20 que Grappelli gardera d'ailleurs à son répertoire tout au long des 6 décennies suivantes. Là encore, la liberté de ton dès l'exposition, la qualité des idées dans les solos, l'efficacité des effets guitaristiques pour soutenir le soliste et les encouragements vocaux de Django, One More, encore un chorus, tout concourt à la réussite de cette version d'une élégance souveraine. Sweet Georgia Brown, le quintet du Club de France avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt en soliste le 31 janvier 1938 à Londres. Toujours au cours de la même séance, Django remet sur le métier le thème de Fats Waller, Honeysuckle Rose, qu'il avait déjà gravé quelques mois plus tôt en compagnie de Benny Carter et de Coleman Hawkins. Nous l'avons écouté samedi dernier dans la première émission de cette série consacrée à Django Reinhardt. Cette fois-ci, c'est Django qui est à la manœuvre dès le début de l'interprétation, construisant un solo d'une maîtrise époustouflante avant de laisser la place à Grappelli, qui livre quant à lui un petit bijou tout en swing et en legato, les deux partenaires se retrouvant pour un final joliment arrangé. Thank you. Honeysuckle Rose, le quintet du Club de France avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt en soliste à Londres le 31 janvier 1938. France Musique. Toujours au cours de cette séance londonienne magique, Django et Stéphane enregistrent l'une de leurs compositions, Black and White, typique de leur engagement sur un tempo rapide. La rythmique est toujours constituée des guitaristes Roger Chaput et Eugène Weiss et du contrebassiste Louis Vola. Écoutez bien la manière dont Django multiplie les formules d'accompagnement pendant tout le solo de Stéphane Grappelli. C'est une rare invention. Black and White, le quintet du Club de France en janvier 1938 à Londres. Lorsque l'on évoque l'art de Django Reinhardt, on a parfois tendance à sous-estimer l'aspect visionnaire de ses conceptions musicales. Mélodiste d'une immense finesse, rythmicien hors pair, Django était aussi très avancé en matière de langage harmonique. On en reparlera d'ailleurs dans cette série d'émissions au moment où il sera confronté aux nouveautés du bebop, qu'il sera l'un des premiers à assimiler de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais s'il est encore un domaine où le guitariste se montre précurseur, c'est dans son art d'improviser sur des prétextes qui relèveront bientôt de ce que l'on va désigner sous le terme de jazz modal. Ici, la grille d'accords se résume à deux climats différents sur un mode, un petit peu à la manière de ce que Miles Davis développera 20 ans plus tard dans l'album Kind of Blue. Voici cette étonnante composition modale de Django, Appel indirect. Nous sommes à Paris en juin 1938. Thank you. Appel indirect de Django Reinhardt, gravé le 14 juin 1938 par le Quintet du Yacht Club de France, avec Stéphane Grappelli au violon, Joseph Reinhardt et Eugène Vest au guitare rythmique et Roger Grasset à la contrebasse. De retour à Londres, quelques semaines plus tard, Django y enregistre un splendide solo très préparé, très construit, en dépit du titre qui suppose une totale spontanéité, improvisation numéro 2. On y entend passer à la fin de l'interprétation une gamme par ton d'une belle élégance. Improvisation numéro 2 de Django Reinhardt, le guitariste en solitaire, à Londres le 10 août 1938. L'année 1939 sera elle aussi très prolifique pour le quintet du Club de France qui vit ses derniers feux, en tout cas dans sa première mouture. Évidemment, le titre de cette composition que signaient Reinhardt et Grappelli, Swing 39, sonne comme un manifeste et le solo de Django résonne comme un joyeux feu d'artifice en ce dernier printemps d'avant le cataclysme. Nous sommes le 21 mars 1939. Swing 39, le quintet du Yacht Club de France le 21 mars 1939 avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt en soliste et pour les soutenir les guitaristes rythmiques Joseph Reinhardt et Pierre Di Barreau-Ferret et le contrebassiste Emmanuel Soudieu. Barreau-Ferret et Emmanuel Soudieu sont encore de la partie quelques semaines plus tard lorsqu'il s'agit d'accompagner Django dans une magnifique version d'une vieille chanson de 1924, I'll See You in My Dreams. Il faut dire que le solo de Django se développe avec une logique implacable, dans un équilibre parfait entre les différentes phrases, avec un soin apporté aux valeurs de notes et à la variété des formules utilisées. Ce solo est d'ailleurs aujourd'hui encore l'un des plus prisés des Django-philes et dans le monde entier. I'll See You in My Dreams, magnifique version de Django Reinhardt gravée en trio avec le guitariste Barreau-Ferret et le contrebassiste Emmanuel Soudieu le 30 juin 1939 à Paris. Un modèle de solo dans la construction du propos et dans le maniement des différents modes de jeu guitaristiques, tous utilisés dans leur belle expressivité. On retrouve ce goût de Django pour les effets lyriques de bend proche de l'esprit du blues dans ce titre SAQ Strut enregistré à Londres le 25 août 1939. Quelques jours seulement avant le déclenchement des hostilités. C'est donc la dernière séance du quintet du Yacht Club de France, première manière. We'll be right back. HCQ Strat, le quintet du Yacht Club de France à Londres le 25 août 1939 avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, bien sûr, ici réunis pour la dernière fois avant plusieurs années puisque la guerre allait les séparer quelques jours plus tard, Django et les autres membres du quintet regagnant la France alors que Stéphane restait à Londres où il trouvera bientôt un autre partenaire d'élection en la personne du jeune pianiste George Shearing. À Paris, Django se confronte lui aussi à d'autres interlocuteurs et il renoue même avec l'accordéon qu'il a côtoyé dans ses jeunes années en partageant la scène avec Gus Wieser. En voici un témoignage radiophonique. Il est en date du 12 janvier 1940. Daphné, une composition de Django Reinhardt, ici en compagnie de l'accordéoniste Gus Wieser. C'était pour une émission du Poste Parisien le 12 janvier 1940. Stéphane Grappelli est resté à Londres, Django ne le remplacera pas et le quintet change de formule. Le guitariste faisant appel à un jeune clarinettiste de 22 ans promis à un bel avenir, il s'appelle Hubert Rostin, et au batteur Pierre Fouade, aux côtés de son frère Joseph resté seul à la guitare rythmique et de Francis Lucas à la contrebasse. Le 1er octobre 1940, ce beau monde est en studio pour graver la première version d'une nouvelle composition de Django, Nuage, une version qui ne va pas vraiment satisfaire le guitariste et qui ne sera pas édité à l'époque. Thank you. Nuages, première version test du 1er octobre 1940 par le quintet du Club de France Nouvelle Formule avec le clarinettiste Hubert Rostin et le batteur Pierre Fouad. Nous reparlerons de Nuages la semaine prochaine. Mais c'est avec un autre titre enregistré au cours de la même séance que je voudrais refermer cet épisode. Il s'agit du très machiniste Rythme Futur, une composition modale habilement mise en valeur par le jeu vif argent du guitariste et les couleurs presque yiddish de la clarinette d'Hubert Rostin. Rythme Futur de Django Reinhardt avec Hubert Rostin à la clarinette, c'était le 1er octobre 1940 à Paris. Ainsi se referme All That Jazz, 19e épisode, le deuxième de notre série consacrée à Django Reinhardt. Merci à Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission, à Christine Amado pour la réalisation. Et soyez swing, soyez bop, soyez cool, soyez free. And all that jazz.